sans m'écouter, c'est déjà un trop. C'était que l'intro, mais là je m'exprime, car c'est bien beau dans le micro, la ligne des primes, prévient les victimes. Dehors, y'a plus de robots, et c'est un peu à cause de Clickstream. Mais que fais-tu, tu baisses les bras, tu laisses l'état se faire niquer, c'est ça. Comme si tu croyais pas, comme si tu croyais plus. C'est la fin de la démocratie, un peu à cause de toi. Mais le peuple est cloué au sol, le peuple s'enlise. Pourtant la force est en lui, non seulement moi j'y crois, mais y'a des sages qui le disent. Malgré ça, le peuple s'enlise, il reste cloué au sol. Dis-moi, faudra-t-il libérer le peuple pour qu'il découvre, sidérer les masses pour qu'elles s'affondent, réparer nos amas comme des tricots. Et tu te demandes pourquoi des temps de gars se moient dans l'alcool, se moient des drogues dures, se font de la cervelle. Bien voir, c'est dur d'assumer le réel. T'es souvent à la peine à chaque jour passé, aussi vite que tu devrais être. Pour chaque million passé, mais perdre espoir, c'est facile. Comme regarder les infos avec du pouvoir, t'esquives. Le vide où on me fait les, le vide où on me fait les, qui fait que des phases de folie. Mais si tu fais le Si j'en ai tu ta faute. Si tu courais dans la foule, t'en as fait foule. Et si tu viens légitime, c'est des bottes. Je reste pas être seul, me laisse pas l'occasion de te dans une boîte. Je te file, pas moi seul, ne ferme ta gueule. Il se plaint des bottes, il parle pas moi de liste à bagnette. Quand tu finiras seul, je suis pas méchant. Mais je peux être dangereux des fois, sans faire exprès, je suis pas un petit écolier. Je suis pas tout seul, mec, je suis pas tout seul. Pas mal de mes phases, tu les as pas lues loin de loin. Magic de gauche, tout est vite comme le pipa. On se garde la base de l'eau, j'aurais glissé un peu de l'eau. C'est la rue, mais c'est assez pour la rime, sois même pas être folle. Vas-y, je t'en prie, ramène tes copines, je suis un espéreur. Je dégaine un sourire, trop tueur, je smile. Avant que toi, tu défourailles tout juste de monde avec mes phases. Que tous tes potes, quand ils écrasent, achètent tout seul. Moi, y'a trop d'oreilles qui m'ont à l'œil. Et tout n'est pas si facile quand il s'agit d'avoir du style. Regarde, j'ai les cons, sérieux, il est parti en vrai. Franchement, des bêtes plus longues que la bite de Rocco Siffredi. On est des petits boutiques, on dirait que t'es pas ton son. On regarde personne à l'illumination dans le film, quoi. Je t'ai pas dit de ramener des cons. Yeah. Thank you. croise la main, on jusqu'à avec mon poste. Colloquant la vie, des ennemis sans porte. Pas de pause, à 4h du mat, opérationnel, je me pose là. J'en mettais dans les lumières, ou à la maison, je sens le bas carré. Moi, quand le son vit, je suis un lion dans la savane. Pas dans un seul personne dans l'eau, un requin. J'suis marqué au tenté de cru. Moi, c'est lui du spectacle, désolé, tu vois sa phrase à la télé. On est à vue comme un télé, moi j'écris. Les phrases affichées comme des sabots japonais. Le temps où Jolly Jumper était déjà prôné. Et les rimes qui font plein, il faut que tu tournes. Depuis le temps où t'as grandi, ça mangeait du poisson pas une idée par force. Tu pensais bien, elle était pas, je sais pas. Avec mes mots, j'ai même pas besoin de te parler, j'suis déjà dans les cerveaux. Soyez pas fan et respectez Bilbo. Ou bien vous pouvez tout scanner. Je peux tout scanner, même le pas. Si nous sommes si pas, pour s'y mettre, faut pas déconner. Thank you. Mm-hmm.